soirée de retour, on l'a vu revenir. Personne ici, la porte ouverte sur la rue, que se passe-t-il donc? Charlotte! Charlotte! Ah!